Chers auditeurs, à votre super revue de presse, l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginat et je serai avec vous pour les deux prochaines heures en cette édition. Nous en sommes à quoi? Au 26 septembre 2011. Alors, finalement, chers auditeurs, l'émission a fait une pause assez considérable suite à le retour de votre hôte ici en terre québécoise. Alors, désolé pour ce délai qui a été beaucoup plus long que je pensais. Il s'est passé plusieurs choses dans ma vie personnelle. Et puis, bon, finalement, ben, j'ai décidé de rester ici en terre nord-américaine. Alors, il y a plusieurs ajustements qui ont dû être faits. J'ai dû aussi m'acheter beaucoup d'équipements, dont un nouvel ordinateur et aussi une antenne pour finalement avoir la haute vitesse à la campagne où je me trouve. Alors, toutes sortes de détails, je ne veux pas vous embêter avec ça. Mais tout ça pour vous dire que ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie et d'argent aussi pour, bon, finalement me replacer puis aussi pouvoir me connecter et me mettre en position pour pouvoir continuer à faire l'émission. Donc, finalement, merci de votre patience. Nous sommes toujours là avec vous. Alors, nous allons maintenant essayer d'être de retour pour de bon. Alors, nous entamons aussi, d'ailleurs, la session automne ici à Choc FM. Alors, bien sûr, vous êtes à l'écoute de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, donc, c'est ça, là, rapidement, pour vous dire un peu là ce qui s'est passé. Donc, nous devrions normalement, si tout va bien, là, entrer en onde et puis être avec vous au moins jusqu'à Noël, là, sans interruption. Donc, c'est un plaisir. Merci d'avoir été là. Tout ce temps sur la chaîne aussi, et puis sur aussi, évidemment, notre canal YouTube de l'émission L'Autre Monde. Alors, on a tout le temps beaucoup de plaisir à vous lire et de voir que vous êtes là, que vous suivez et que vous êtes, pour la majorité, très bien lucide et bien informé. Et puis que, bon, ben, on ne laissera pas aller ce côté de notre humanité, l'esprit humain. Être floué ou être tué. Alors, nous sommes là, la résistance, nous sommes là pour diffuser les informations les plus importantes, comme d'habitude. Alors, voilà. Donc, chers amis, cette semaine, ben écoutez, on a énormément évidemment d'informations, d'autant plus que nous avons été absents pendant plusieurs semaines, en fait, depuis début août. Donc, voilà, ça fait quasiment 2 mois. Et puis, ben, il s'est passé évidemment énormément de trucs. On ne fait que penser je vais dire, Fukushima, chers auditeurs. Va falloir même que je reprenne le parler hein, de l'émission, alors reprendre le beat. Oui, Fukushima, l'économie, on parle de la Libye, évidemment. Il y a énormément de trucs qui s'est passé là ces derniers temps, c'est fou. Sans compter aussi là, tout ce qui entoure le Proche-Orient, Moyen-Orient, et puis l'Afrique du Nord, vous savez, la Somalie, au Yémen, au Pakistan, ça continue de brasser. Les États-Unis sont dans tous ces pays à faire des attaques avec des drones. Alors, vous savez, c'est ces fameux engins qui sont pilotés du sol et puis qu'on utilise pour larguer des bombes sur des territoires qui finalement sont des États étrangers, dont, comme je vous disais, tous ces pays, la Somalie, au Yémen, au Pakistan, on lance des bombes de la part des Américains. Les Américains utilisent ces avions télécommandés et puis on bombarde, on tue des gens, on tue des présumés terroristes et puis surtout beaucoup de civils. Alors, il y a énormément de dossiers comme ça que j'ai pour vous ici. On va essayer de couvrir ça le mieux qu'on peut. Vous savez aussi le cas de la Syrie, de la Libye, bon, le Bahreïn. Il y a toutes sortes d'endroits comme ça où il y a des nouvelles très importantes. Donc, on va essayer de couvrir ça avec vous du mieux qu'on peut. On va essayer de parler aussi d'économie. De toute façon, on va, comme je vous disais, on reprend l'émission ici pour de bon. Donc, on va essayer à chaque semaine là, de défricher le plus possible l'actualité mondiale pour vous et puis vous rapporter les nouvelles les plus importantes. Donc, pour les anciens d'émission, ben, ce ne sera pas une nouvelle. Pour les nouveaux, par contre, les nouveaux auditeurs, bienvenue. Et puis, vous devez savoir que cette émission est documentée. Alors, toutes les informations dont je parle ici se retrouvent normalement dans les journées qui suivent sur mon blog personnel qui s'appelle Les Nouvelles Internationales, que vous aurez en lien sur la page de L'Autre Monde sur Choc FM ou si vous le tapez là, directement dans votre moteur de recherche, Les Nouvelles Internationales. Alors, vous allez voir apparaître là, suite à l'émission, bon, évidemment, tous les articles dont je parle, et puis vous allez pouvoir aller approfondir par vous-même, et puis vérifier les sources des nouvelles, et puis vous faire votre propre idée par rapport à ça. Donc, on n'est pas là, comme je dis souvent, pour vous dire quoi penser, mais plutôt pour vous apporter, alimenter votre réflexion avec des informations qui, bien souvent, sont trop peu rapportées par les grands médias ou simplement passées sous silence. C'est pas des manipulations des informations et mensonges, carrément. Et puis, parlant de ça, les grands médias, ben écoutez, on va y aller avec des nouvelles diverses un peu au début, ici, là. Une nouvelle encore importante où on apprend que la majorité aux États-Unis, la majorité des Américains continuent de ne pas faire confiance aux grands médias. D'ailleurs, on perçoit un biais, on perçoit beaucoup de subjectivité dans les grands médias. On dit que la majorité des Américains n'ont pas de confiance en les grands médias et les nouvelles qu'ils rapportent. Alors, on ne juge pas ces nouvelles comme étant complètes, justes et puis objectives. Alors, on a ici Gallup, une grande maison de sondage en Amérique, où on a trouvé que 44% des Américains avaient une grande confiance ou assez de confiance en les médias, alors que 55% avaient peu ou pas du tout de confiance en ces grands médias. Alors, on continue dans ces nouvelles diverses pour commencer. Ici, une nouvelle aussi assez importante et assez frappante. J'en ai régulièrement parlé sur l'émission de ça, bon, dans les volets de la santé, quand on parlait de ces fameux médicaments qui tuent. Et les effets secondaires, non seulement sont souvent graves, mais aussi peuvent aller jusqu'à la mort. Et puis là, ben, on a un article ici qui a été publié dans le Los Angeles Times, le LA Times. Alors, vous allez retrouver l'adresse et puis l'article sur les nouvelles internationales où on nous apprend que les médicaments pharmaceutiques ont maintenant, en fait, c'est les chiffres qui sortent de 2009. Des chiffres, des données qui sortent du US Centers for Disease Control and Prevention, alors la CDC. Et puis, on a appris que en 2009, les médicaments avaient causé plus de mortalité que les accidents de la route. Alors, vous savez, des accidents de la route, il y en a beaucoup normalement. Eh bien, là, vous savez, les médicaments ont tué en 2009 plus de personnes que les accidents de la route aux États-Unis, tuant 37 485 personnes à travers la nation des États-Unis. Donc, vous voyez là qu'on a un grave problème avec ces fameux médicaments qui, là, à un moment donné, il va falloir vraiment se poser des questions, à savoir s'ils apportent plus de bien que de mal, ou plus de mal que de bien. Alors, on a un grave problème ici. On dit que d'ailleurs, ce nombre de morts causées par les médicaments ont plus de doublé durant la dernière décennie, maintenant causant une mortalité à toutes les 14 minutes. Alors, vous savez, en contraste à cela, les accidents de la circulation ont continué de baisser ces dernières décennies. Donc, c'est évidemment une épidémie, un grave problème sur lequel il va falloir se pencher. Et puis, ce dossier concerne tous les pays du monde, surtout nos pays occidentaux, nos pays qu'on dit développés. Donc, c'est la première fois que ça se produit que les médicaments causent plus de décès, c'est-à-dire causent plus de décès que la route. Depuis que le gouvernement compile ces données depuis 1979. Donc, voilà. Une autre nouvelle ici qui vaut la peine d'être mentionnée, c'est l'ancien secrétaire de la Défense, Donald Rumsfeld, qui, lui, s'est vu retirer son immunité dans un cas concernant la torture de deux citoyens américains. Alors, voilà, on va voir aussi que ça va mener. Mais quand même, alors voilà que on s'en va dans la bonne direction. Et oui, effectivement, il faut poursuivre ces gens-là pour leurs crimes de guerre et puis pour les choses complètement incroyables qu'ils ont faites, comme légaliser la torture. Hein, oui, aux États-Unis, on a légalisé la torture, chers auditeurs. Alors, une autre nouvelle ici qui vaut la peine d'être lue. On parle des 10 plus grandes armées du monde. Alors, c'est intéressant aussi de savoir quel est l'ordre des armées les plus importantes dans le monde. Alors ici, je vais vous laisser lire l'article au complet, mais je tenais à vous dire que, le Pakistan se tenait au 10e rang quand même. Vous voyez une importante armée au Pakistan. Israël arrivait au 9e rang, la Russie au 8e, la Turquie au 7e. La Corée du Nord quand même arrive au 6e rang. L'Allemagne, avec son armée, se classe au 5e rang mondial, avec l'Inde à la 4e position, l'Angleterre en 3e, la Chine en 2e et évidemment les États-Unis en première position. Ensuite, une autre nouvelle loufoque ici pour vous, c'est un train qui a voyagé en fait 980 km dans la mauvaise direction avant que le personnel sur le train s'aperçoive de cette malencontreuse erreur. Alors imaginez, quand même assez spécial, je veux dire, c'est quasiment 1 000 km dans la mauvaise direction avant que les gens qui conduisent le train, le personnel, commencent à se poser des questions et puis apparemment qu'évidemment les passagers étaient assez furieux. Alors, une petite nouvelle loufoque pour vous pour faire sourire un peu. Ici, une autre nouvelle qui risque par contre de vous laisser bouche bée, c'est pas pour dire bouche collée. Pourquoi? Parce que ici, écoutez, on apprend qu'en Europe, on a banni ce qu'on appelle de la colle à viande. Alors, c'est assez incroyable. En anglais, c'est meat glue. Et puis, apparemment que ceci est largement utilisé aux États-Unis puis en Australie. Je ne sais pas ici au Canada, c'est le cas. Ça doit, j'imagine. Par contre, il y a de quoi se poser des questions et puis vraiment enquêter là-dessus. C'est quoi cette affaire-là? Ben écoutez, allez voir la vidéo, vous allez voir, ça vaut la peine quand même là, de s'informer par rapport à ça parce que c'est incroyable. On apprend que, bon, dans certains magasins, des grandes surfaces, peu importe, des boucheries, qu'on utilise un certain produit, j'oublie le nom exactement, là, mais bon, on a un nom là qu'on appelle là, la colle à viande. Et puis, ce qui arrive, c'est que ça permet de prendre des vieux morceaux de viande ou des morceaux de viande qui sont plus difficiles à vendre. Et puis, on plonge, si vous voulez, les morceaux de viande dans un type de mixture. Ça ressemble à de la poudre. Et puis après ça, On roule les morceaux ensemble et puis on met ça au frigo. Et puis après quelques heures, ben, le truc, c'est tout soudé ensemble, c'est tout collé. Donc, c'est vraiment de la colle à viande. Et puis, c'est vendu comme étant, bon, des côtes de porc ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est pour des morceaux de viande que ce ne sait pas, que ce n'est pas. Alors, voilà, il y a toutes sortes d'affaires dans notre alimentation. Et puis, je croyais que ça en valait la peine d'attirer votre attention sur cela. Ensuite, dans l'autre nouvelle variée, ben, ici, c'est certains liens qui parlent justement de cette quantité assez incroyable de tremblements de terre qui ont lieu partout dans le monde. Alors, autant au Japon, au Tonga, à Cuba, dans les îles polynésiennes, en Nouvelle-Zélande, ça brasse beaucoup. La semaine passée, ça a été quatre tremblements de terre au Guatemala qui sont arrivés, quasiment tout en même temps, je veux dire. Vraiment, c'est assez particulier de voir ça. La Terre a tremblé énormément. Et puis, d'ailleurs, je me rappelle avoir lu un article qui montrait justement le nombre de tremblements de terre sérieux. On parle 5, 6, 7, 8 sur l'échelle de Richter qui s'était produit, si je me rappelle bien, c'était au mois d'août, au mois de septembre, qui était nettement au-dessus de la moyenne, là. Vraiment, là, on est nettement au-dessus de la moyenne. C'est pas parce qu'on en parle plus, là, qu'on a l'impression qu'il y en a plus, là. Non, non, c'est vraiment un fait. Il y a énormément, beaucoup plus de tremblements de terre que la normale en ce moment. Et puis, aussi, beaucoup de manque d'électricité aussi. Il y a eu des pannes d'électricité. Je crois que c'était dans la journée d'hier à aujourd'hui, un peu partout dans le monde aussi. Et on se demande, c'est pas avec ce qui se passe aussi, je sais pas, vous avez sûrement entendu parler de Elenin, alors ce corps astral là, qui finalement se pointe dans le système solaire, est en train de passer très bientôt dans les jours qui vont venir, là, d'ici la fin septembre, entre le Soleil et la Terre. Alors, on se demande si cela pourrait avoir des effets particuliers là, justement sur ce qui se passe ici sur Terre au niveau des tremblements de terre. Et puis d'ailleurs, il y a l'activité solaire aussi qui a énormément, qui s'est activée énormément et puis qui nous envoie évidemment des tempêtes électromagnétiques assez importantes sur la planète Terre. Et puis on commence justement à avoir peut-être des problèmes par rapport à ça avec nos grilles électriques. Alors, vous savez, nos réseaux électriques. Et puis c'est probablement ce qui a causé aussi ces fameuses pannes électriques importantes un peu partout sur le globe. Et peut-être plus c'est encore à venir. On a des taches solaires qui sont apparues et puis qui étaient alignées vers la Terre. Et donc, on va se prendre des vents solaires assez importants. Et puis qui risque de causer des pannes, soit de satellites ou de réseaux d'électricité ou quoi que ce soit. Donc, et puis c'est possiblement aussi, on remarque qu'il y a un certain lien aussi avec les tremblements de terre. Et on va avoir aussi l'autre phénomène de la superlune dans les prochains jours. Alors, la Lune qui va être assez proche de la Terre. Alors, donc, il y a toutes sortes de phénomènes qui semblent converger en ce moment d'ici la fin septembre à surveiller. Et on risque d'assister à d'autres tremblements de terre assez importants. Et peut-être aussi des pannes ou quoi que ce soit. Bon, peut-être des problèmes avec les trucs électroniques, comme les ordinateurs, ainsi de suite. Donc, je tenais à le mentionner, c'est quand même assez particulier. Et on se rappelle que Fukushima est arrivé un peu dans un contexte comme ça, où on avait eu, je crois, une superlune ou une déjection coronale là, sur le Soleil, je ne me rappelle plus très bien. Donc, on n'a pas toutes les connaissances pour tout connecter ces choses-là, clairement, mais on voit de plus en plus de corrélations. Et puis, peut-être que d'observer ces phénomènes-là peut nous faire prendre conscience, là, justement, ou faire comprendre que, justement, il y a des liens à faire. Une autre nouvelle assez particulière ici aussi qui a été publiée quand même il y a quelques semaines, peut-être 2, 3 semaines. En tout cas, on célébrait en Belgique le 450 jours. Donc, ça fait pas loin, j'imagine, de maintenant 475 ou peut-être 500 jours qu'en Belgique, on est sans gouvernement. Alors, c'est assez incroyable, pareil, hein? C'est un record pour une économie moderne. Donc, oui, en Belgique, on est sans gouvernement depuis 15-16 mois. Et puis, ça se passe très bien. Alors, même qu'en fait, l'économie s'est portée mieux qu'en Allemagne, qu'en Angleterre, qu'en France, qu'en Italie, en Espagne, qu'aux Pays-Bas, en Finlande et en Suisse, dans le récent cadre financier économique. Alors, imaginez, c'est incroyable. Alors, pas de gouvernement, puis l'économie va mieux que dans les autres pays. Alors, bon, une nouvelle quand même qui vaut la peine d'être mentionnée ici aussi. Au Canada, ben, on a eu, écoutez, Bush ici là qui est cédulé pour venir au Canada pour prononcer un discours. Alors, il venait faire une petite visite au Canada. Alors, c'était planifié pour le 20 octobre. Il devait passer en Colombie-Britannique et puis là, voilà que ben là, on fait des appels ici au Canada pour l'arrêter, hein? Donc, ça fait aussi un petit clin d'œil à Donald Rumsfeld qui s'est vu retirer son immunité dans deux cas de torture à Abu Ghraib, voyons, en Afghanistan. Donc, voilà. Donc, ici, ben, Bush qui veut venir faire un petit tour. Et puis, on parle aussi d'une visite à Toronto. Et, ben, écoutez, chers amis, apparemment que sa visite à Toronto a été cancellée, a été annulée parce qu'il y avait beaucoup de pression publique pour que M. George Bush soit arrêté. Alors, voyez, ça c'est absolument excellent. Alors, il faut continuer à mettre de la pression, justement, pour que les médias cessent d'ignorer, justement, cet embarrassement international d'avoir des criminels de guerre qui se promènent encore comme ça librement aux États-Unis, aussi dans le monde, qui viennent visiter nos pays, comme ici au Canada, et qui, ont tué, sont responsables de la mort de centaines de milliers. C'est pas de. On parle au moins 1,5 million de personnes en Irak qui ont trouvé la mort de façon violente suite à l'invasion en 2003 et de la pollution irréversible pendant des milliards d'années. Causé par l'uranium appauvri, donc des armes qu'on utilisait en Irak, on a contaminé le pays au complet. Et puis aussi, tous des scandales de la torture incroyable. Alors, on utilise la torture, et puis, bon, évidemment, toutes sortes d'entorses qu'on a faites à la Constitution, puis des droits essentiels, hein, des droits humains. Alors, les droits et libertés, c'est-à-dire, chers amis, autant des citoyens américains que des Irakiens. Alors, voilà. Donc, ça valait la peine d'être mentionné. Et une autre nouvelle ici assez incroyable. On apprend que l'Union européenne a autorisé l'huile de moteur dans l'alimentation. Alors, ça, c'est quasiment incroyable. Alors, je vous ai laissé le lien pour que vous alliez le voir. Vraiment, vous avez entendu déjà parler de ça aussi, si vous êtes bien informé. Il y a une vidéo disponible sur Dailymotion et puis aussi. Bon, et c'est un article du Figaro qui parle de ça. Alors, le Canard enchaîné aussi, où on apprend que justement des préparations alimentaires auraient été conçues avec une dose d'huile de moteur mélangée à de l'huile de tournesol classique. Alors, bon, c'est assez incroyable. Je ne lirai pas l'article au complet, mais on apprend que c'est ça, vous avez un lubrifiant qui a mélangé un lot de 40 000 tonnes d'huile de tournesol, a servi à la préparation d'un nombre indéterminé de produits n'ayant jamais été retirés des rayons français. Alors, c'est assez incroyable, de l'huile de moteur dans la mayo. Derrière ce titre hallucinant, le Canard enchaîné révèle une affaire peu ragoûtante pour les consommateurs de mayonnaise, vinaigrette industrielle, conserve à l'huile et autres plats cuisinés. Alors, autant de préparations alimentaires qui avaient été conçues avec une dose d'huile de moteur mélangée de l'huile de tournesol classique. Alors, quand même assez incroyable. On parle ici de l'entreprise Cepol, le propriétaire de l'ossière numéro 1 de la transformation des oléagineux reçoit dans son usine de 7 une cargaison de 2 800 tonnes d'huile de tournesol brute en provenance d'Ukraine, une cargaison elle-même issue d'un lot de 40 000 tonnes livrées également aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne. Sauf que les aliments contenaient moins de 10 % d'huile frelatée autorisée. Alors, on a appris que, bon, c'est ça, qu'il y avait de la présence d'huile de moteur mélangée à l'huile de tournesol. Et puis, ça remonte au 21 avril. Et un mois après avoir été informé du problème et 2 mois après avoir su l'huile frelatée, Cepol prévient enfin la Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes françaises. Et puis, selon le Canard, le 19 des 2 800 tonnes d'huile livrées à 7 seraient en fait de l'huile de moteur et non de l'huile de tournesol. Alors, c'est assez incroyable. Alors, allez voir ça, quand même, aussi assez inquiétant, là, de voir toutes les choses qui se passent dans notre chaîne alimentaire. Donc, voilà. Donc, on va quitter un peu ce volet-là. Et puis, maintenant, on va commencer à aborder, là, ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous avez toute la question aussi de la Palestine, hein, la semaine passée. La Palestine, les Palestiniens qui ont demandé encore accéder à leur nation, à être reconnus comme étant une nation, puis avoir un siège aux Nations Unies. Vous savez, il est à peu près temps qu'on leur donne, mais là, on va y revenir au fur et à mesure qu'on va développer le sujet. On va commencer tout d'abord avec l'Afghanistan. Alors, on apprend ici dans le Telegraph en Angleterre que les troupes américaines ne pourraient rester en Afghanistan jusqu'en 2024. Alors, ça aussi, j'en ai parlé beaucoup dans le passé. C'est évidemment que on est là pour à peu près l'éternité. Ça devient des colonies, hein, donc on tous se met d'appeler les choses telles qu'elles sont, là, vous savez, on va de mandat en mandat. En fait, c'est pas des mandats réellement, là, c'est qu'on repousse la date de départ sans cesse. On se donne des dates limites et puis finalement, on les respecte jamais. Donc, d'année en année, on les allonge, alors on dit, oh, on va s'en aller l'année prochaine, ah, puis là, finalement, on arrive l'année d'après, puis, ah, oh, ben, finalement, on va y aller dans 2 ans, puis après ça, 2 ans plus tard, là, on dit, ah, oh, ben là, non, on peut pas s'en aller, on va y aller plus tard. Là, finalement, vous savez, on vous niaise, on vous ment, la réalité, c'est qu'on est là pour toujours, c'est des colonies. Maintenant, à voir l'état de l'économie américaine, ça serait bien étonnant que ça qu'elle survive passé 2013-2014, même si ça passe l'automne de cette année. Alors, oubliez ça pour 2024. De toute façon, là, c'est vraiment juste pour vous dire que finalement, on colonise ces régions-là et puis on n'a pas l'intention d'équiter. Là, on met la main sur les ressources et puis ça nous appartient, un point, c'est tout. Ensuite, ben, vous avez ici une nouvelle de la BBC où on rapporte que justement les forces de l'OTAN ont tué un des reporters de la BBC en Afghanistan. Alors, vous voyez, toutes sortes de conneries comme ça qui se passent. 77 Américains qui ont été blessés par une attaque à la bombe sur un camion afghan. Alors, vous voyez aussi, là, il y a beaucoup de résistance. On en parle très peu dans les médias, mais on continue de battre des records, vous savez, là, des nombres de soldats américains. Et de l'OTAN aussi qui se font blesser, qui sont tués. Je veux dire, la guerre est vraiment sanglante là en Afghanistan. Donc, ça continue. Et puis, c'est triste, c'est pour rien. Je veux dire, c'est vraiment, ça arrive absolument pour rien. Ces gens-là devraient être à la maison avec leur famille au lieu d'être les pions des games, des joutes géopolitiques internationales, tout simplement pour contrôler l'économie, puis essayer de contrôler les ressources du monde. Réellement, là, ces gens-là servent tout simplement de petits pions pour garder des terres colonisées. Alors, c'est dommage, ça fait maintenant, écoutez, plus de 10 ans. Hein? On a célébré le 10e anniversaire du 9-1, d'ailleurs. Vous avez vu, j'ai produit une petite vidéo avec The Plot 9-11, mon ami Pierre, et puis on a produit une petite vidéo, même avec une capsule un peu humoristique, ironique, un peu pour rire de cette histoire-là complètement débile. Puis c'est ce qui a justifié justement la présence de l'OTAN et puis américaine en Afghanistan. Donc à un moment donné, il faut se rappeler aussi pourquoi qu'on est là. Ça fait tellement longtemps qu'on se pose même plus la question de savoir vraiment pourquoi qu'on est là, quand ça se fait qu'on est là. À cause du 9-1, 9-1 qui les attaque du 11 septembre 2001, hein, vous savez, vous vous rappelez de ça. Et puis, ben, on n'a jamais élucidé l'affaire encore, hein? On a blâmé l'Al-Qaïda et Bin Laden, et puis le gouvernement américain avait promis de donner toutes les preuves supportant les allégations comme quoi c'était Bin Laden et puis l'Al-Qaïda qui avaient causé ça, et puis on n'a jamais eu la preuve. On attend encore les preuves jusqu'à ce jour, et puis finalement, tout ce qu'on a trouvé depuis 10 ans, c'est des trous de bord en bord de toute la version officielle qui est finalement la plus ridicule et absurde théorie de conspiration. Qui ne tient pas debout, qui ne tient pas l'analyse même de 10 minutes. Alors, vous savez, on est rendu maintenant passé le nombre de 1 500 architectes et ingénieurs dont je fais partie, qui sont pour la vérité sur le 9-1 et puis qui vous racontent d'ailleurs très, très clairement et avec toutes les lois de la physique et de la science derrière pour vous expliquer pourquoi ces bâtiments-là n'ont jamais pu s'écrouler à cause de des avions puis des feux. C'est évident, je veux dire, on essaye de justifier ça d'une façon comme d'une autre, mais ça n'a ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Alors, anyway, j'embarquais pas dans le sujet du 9-1, mais le but était quand même de rappeler de pourquoi qu'on est là en Irak, pourquoi qu'on est là en Afghanistan, pourquoi que justement il y a encore des soldats qui meurent aujourd'hui pour rien dans ces contrées-là. Vous savez, des missiles qui ont été tirés sur l'ambassade américaine dans la capitale afghane. Alors, vous voyez, je veux dire, ces gens-là de l'OTAN, des soldats américains, des soldats canadiens, des soldats allemands, britanniques, je veux dire, ces gens-là, ils se font canarder pour rien. Et puis, il y a beaucoup de résistance. On a des attaques régulières sur les routes de convois de ravitaillement qui partent en général beaucoup du Pakistan. Et puis, là, vous avez le Pakistan d'ailleurs qui a menacé de couper ces lignes de ravitaillement-là parce que justement, les gens commencent à être assez écœurés que les Américains larguent des bombes avec des drones sur les zones au nord du Pakistan. Et puis, à un moment donné, c'est des violations de leur territoire, de leur souveraineté territoriale. Et les Pakistanais commencent à en avoir marre. Ils sont en train carrément de se mettre les Pakistanais à dos, ces Américains. Et c'est carrément voulu, d'une certaine façon aussi. On essaie de provoquer les Pakistanais, qui étaient censés être des alliés dans cette guerre contre la terreur, hein, contre le terrorisme suite au 9-1. Et puis les Américains sont tout simplement en train de carrément cracher au visage des Pakistanais, de les tourner en ennemis, et puis de créer des faux prétextes pour finalement aller mettre la main sur les armes nucléaires pakistanaises et puis envahir le Pakistan. On cherche vraiment des excuses pour tout simplement là, intervenir militairement au Pakistan. Un peu comme c'est le cas, comme je disais, dans tous les autres pays aussi, comme au Yémen, en Somalie, et puis dans d'autres pays aussi là, de la région. Alors, c'est pour ça que toutes ces choses-là se tiennent. Alors, c'est vraiment difficile de tout traiter de ça seulement, là, que dans une émission de 2 heures, on va essayer de couvrir ça avec au fil des émissions, des semaines qui vont passer. Mais voyez que toutes ces choses-là doivent être vues dans une vue d'ensemble. Et puis, vous devez comprendre que ça grouille partout sur la carte, là. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Puis, on doit connecter toutes ces choses-là ensemble. Alors, vous avez la police qui est soutenue d'ailleurs, qui est supportée par les Américains, qui sont entraînés par les soldats américains, qui ont été accusés d'abus des droits de l'homme. Alors, des rapports assez troublants qui relatent justement des abus de toutes sortes, incluant des viols et des meurtres. Et qui d'ailleurs bon, apporte, soulève beaucoup de questions par rapport à justement la gestion de toute cette situation-là et des forces de l'ordre en Afghanistan. Donc, toutes sortes d'affaires qui se passent là-bas, un rapport là, de 102 pages, là, justement, bon, qui a trouvé toutes sortes de, hein, de faits qui se sont déroulés, supportés par des groupes qui sont entraînés par les forces de l'OTAN et qui bon, d'ailleurs terrorisé puis volé des communautés. Alors, ça a été rapporté par Reuters. Ensuite, pardonnez-moi pour le chat dans la gorge. Donc, on continue ensuite. Ben, vous avez le président afghan et américain qui était pour se rencontrer aussi à New York. Alors, je n'ai pas les dates ici. Par contre, je ne sais pas si ça a été fait ou si ça va se faire. Écoutez, c'est le président Hamid Karzai là, qui devait se rendre. En fait, c'était durant l'Assemblée des Nations Unies. Alors, c'était la semaine passée, probablement. Donc, se sont rencontrés ensemble. Donc, on essaie de coordonner les choses. On sait que Hamid Karzai commence à en avoir aussi pas mal le ras-le-bol de ce qui se passe là-bas et puis essaie de mettre de la pression pour que justement les Américains partent. On essaie de faire des coalitions d'ailleurs avec les talibans. Par contre, bon, les Américains se préparent à construire des nouvelles prisons assez massives en Afghanistan. Alors, on veut investir. C'est l'administration Obama qui a annoncé des plans d'investissement là, de centaines de milliards de dollars pour, en fait, pour couper dans les budgets aux États-Unis. Hein, vous avez entendu parler de ça. Alors, on coupe des milliards de dollars dans les budgets. Et puis, d'un autre côté, ben, on dépense de l'argent pour construire des prisons massives à Bagram en Afghanistan. Alors, imaginez 100 millions de dollars qu'on va dépenser pour construire cette prison-là, alors qu'aux États-Unis, on n'a plus une scène pour le peuple et puis pour les infrastructures. Quand même assez incroyable, non? Alors, chers amis, au lieu de simplement de se retirer de l'Afghanistan et puis d'économiser cet argent-là pour se concentrer sur ce qui se passe aux États-Unis, ben on continue dans ces guerres d'expansion, je veux dire, des guerres impériales et colonialistes pour dire les choses telles qu'elles sont réellement. Donc, vous avez aussi, bon, toutes sortes d'affaires qui se passent. Un ancien président, Rabbani, lui, qui a été tué dans une attaque à la bombe. Donc, vous voyez, là aussi, toutes sortes d'affaires qui se passent encore là en Afghanistan. Donc, justement, là, ça cause aussi beaucoup de doutes là, par rapport à ces fameuses forces de sécurité afghanes pour protéger. bon, justement, des politiciens en Afghanistan. Donc, vous voyez, là, le pays qui est très instable, et puis ça va pas s'améliorer, même si les Américains restent là encore 30 ans. Ensuite, vous avez la guerre froide d'Obama qui continue de se développer. Alors, on apprend que le président Barack Obama et puis le département de la Défense vont apporter des nouveaux missiles encore plus proches de la frontière russe. Alors, vous savez, ça aussi, on en parlait dans le passé, et puis là, on est en train de remettre ces plans-là en route. Alors, on veut stationner des missiles SM-3 de Raytheon à peu près à 75 km là, de l'enclave de Kaliningrad, vous savez, dans quelques années. Et puis, bien évidemment que c'est une menace directement là, à la frontière de la Russie. Hein? Donc, vous savez, évidemment que ces missiles-là sont orientés autant vers l'Iran que la Russie. Hein? Donc, chers amis, vous voyez, les Américains continuent à installer des missiles un peu partout. Alors, voilà pour l'expansion de l'hégémonie américaine dans le monde. Et puis ici, ben, on apprend aussi que les États-Unis ont finalement déclaré qu'ils avaient le droit, eux, de frapper des terroristes dans des pays, dans des nations souveraines à travers le monde, au-delà des champs de bataille de l'Afghanistan. Et puis ça a été déclaré par John Brennan, qui est le conseiller en contre-terrorisme d'Obama, alors le top conseiller du président Barack Obama. Alors, eux autres, finalement, ce qu'ils viennent de déclarer, c'est que ces gens-là, parce que les États-Unis sont engagés dans un combat contre l'Al-Qaïda, alors ils disent que les États-Unis doivent prendre la position légale que, en accord apparemment avec la loi internationale, ils seraient l'autorité de prendre des actions contre l'Al-Qaïda et puis leurs forces associées sans avoir une analyse d'autodéfense dans chaque cas, alors d'analyser. Alors, on se dit, là, finalement, grosso modo, que on a tout simplement le droit d'aller attaquer ces gens-là et puis aller les tuer dans n'importe quelle autre nation du monde. Alors, vraiment, on se donne un droit hein, d'assassiner des gens de façon extrajudiciaire et puis sans l'accord préalable de ces nations étrangères. Alors, imaginez, je veux dire, le front que cette administration Obama et les États-Unis ont pour annoncer une telle affaire. Et puis, du même souffle, ici, on a une autre nouvelle où on apprend qu'on est pour avoir maintenant des vols justement de ces drones de façon permanente. Alors, ça aussi, c'est assez incroyable. Ça vient de Aerospace and Defense News. Alors, c'est un papier de recherche qui a été publié puis qui indique que on va avoir de ces fameux drones-là, on les appelle des Unmanned Aerial Vehicles, qui vont continuer d'être utilisés, de plus en plus utilisés, en fait, à travers les 10 prochaines années. Et puis, chers amis, on est en train, finalement, d'admettre de la bouche même de ces officiels et puis des analystes de la défense que on est dans une course mondiale pour l'armement, mais l'armement à travers de ces drones-là. Et, chers amis, vous savez, les États-Unis utilisent maintenant ces drones dans au moins 6 pays à l'étranger, incluant aussi à l'intérieur des frontières même des États-Unis. On utilise déjà des drones aussi pour surveiller et dans différentes opérations là, à l'intérieur même des États-Unis. C'est incroyable. Et puis là, on dit qu'on va continuer de développer ces fameux drones-là. On veut continuer de développer ce marché-là pour qu'il devienne mondial. On veut aussi, bon, vraiment là, créer de ces fameux drones-là qui pourraient voler pendant des jours et des jours, c'est pas des semaines, carrément dans les airs. On veut aussi dominer ce marché-là au niveau des États-Unis. Et puis, ben, vous allez en tout cas retrouver toutes sortes de trucs comme ça là, dans cet article-là. Vous avez aussi les États-Unis qui assemblent en secret des bases pour ces drones-là en Afrique et puis sur la péninsule arabienne. Alors ça aussi, ça a été déclaré par des officiels de l'administration Obama. Alors on est en train de développer un paquet de bases secrètes pour ces fameux drones dans la corne africaine, sur la péninsule arabienne, comme je vous disais un peu plus tôt. Et puis, apparemment que, bon, évidemment, on déclare que c'est pour attaquer l'Al-Qaïda et puis leur affilié en Somalie puis au Yémen. C'est pour ça que vous voyez que tous ces pays-là, en fait, toutes ces nouvelles-là se connectent. Là, j'ai évidemment plusieurs nouvelles à vous communiquer. Là, vous savez, ici, on parle, bon, justement, de la Somalie et puis du Yémen. Et vous avez aussi une autre installation qui a été établie en Éthiopie. Alors, vous voyez, une autre base aux Seychelles et puis une autre base, vous savez, les Seychelles, c'est un archipel dans l'océan Indien. Et puis, ben, vous voyez, à partir de là, on utilise ces drones-là, puis on fait des frappes aériennes à l'intérieur de ces pays-là. Alors, c'est vraiment, c'est des guerres non déclarées, en réalité. C'est des guerres non déclarées, mais les États-Unis sont en guerre contre ces pays-là. C'est pour ça que je répétais souvent la question, ça prend combien de pays qui sont attaqués en même temps, simultanément, pour déclarer ça, avant qu'on déclare ça vraiment officiellement une guerre mondiale? Alors, vous devez comprendre que les États-Unis sont en train d'attaquer, littéralement, de bombarder en Afghanistan, en Irak, en Somalie, au Yémen, au Pakistan. OK, alors, vous savez, ça commence à faire beaucoup de pays, là. Vous avez des drones américains qui ont tué plusieurs civils. Vous allez retrouver plusieurs nouvelles dans la section Somalie. Alors, ici, vous en avez une, par exemple, 9 civils qui ont été tués, 30 ont été blessés, dont vous avez 9 femmes et des enfants qui ont été tués. Alors, vous avez une autre nouvelle ici qui parle de ça. Vous avez les Américains qui ont armé des factions, des militants de la Somalie. Alors, vous voyez, non seulement on bombarde, mais aussi on apporte des armes à l'intérieur de ces pays-là, et puis on arme différentes factions, et puis on les finance. Alors, c'est assez incroyable. On tue des personnes qui apparemment appartiendraient à l'Al-Qaïda. Là, on s'en vante de ça. Alors, vous avez toutes sortes d'affaires. Là, apparemment, ici, ce serait un des leaders de l'Al-Qaïda qu'on aurait tué dans cette région-là qui s'appelle le Fazul Abdullah Mohamed. Mais ce gars-là a été reporté comme étant tué, ayant perdu la vie dans un bombardement américain en 2007. Alors, vous voyez, là, c'est un peu comme l'histoire de Bin Laden où on tue le même personnage plusieurs fois. Toutes sortes d'affaires comme ça qui se passent. Crise humanitaire absolument incroyable, là, très grave en Somalie. Les Américains qui ont envoyé des Marines et plus de drones dans cette région-là. Alors, vous voyez, c'est vraiment une situation assez incroyable. Donc, ça se poursuit là-bas. Au Yémen, ben, c'est la même affaire, là, chers auditeurs. Au Yémen aussi, c'est une situation absolument déplorable. Vous avez l'Arabie Saoudite, d'ailleurs, qui est alliée avec les États-Unis, qui ont envoyé des chars d'assaut au Yémen pour essayer de mater la population. Alors, ce qui fait un contraste totalement éclatant, là, je veux dire, entre la supposée mission humanitaire en Libye. Alors, on prétend vouloir libérer le peuple du dictateur de Kadhafi. Alors, le théâtre, la pièce de théâtre totale qu'on vous a mis là, vraiment devant les yeux pour faire à croire que c'était une suite du printemps arabe, alors que ça n'a absolument rien à voir avec le printemps arabe. C'est vraiment une rébellion armée et soutenue, fomentée par la CIA, les fameux réseaux de l'Al-Qaïda qui sont financés par les services secrets, autant britanniques qu'américains, que la CIA. Vous savez, ça a été même rapporté dans des médias par des analystes de la CIA. Alors, vous voyez, là, c'est pas des histoires de conspirationnistes. Vous avez plusieurs analystes de la CIA, d'ailleurs, qui ont expliqué ces affaires-là en ondes, à la télévision. Et puis, où on admet carrément que, justement, il y a plusieurs des éléments de ces fameux rebelles-là qui ont été reconnus d'ailleurs maintenant par le Canada, les États-Unis, toutes sortes de pays comme ça, occidentaux, les États-Unis qui leur ont même maintenant octroyé une ambassade, on a reconnu officiellement l'autorité du, comment ça s'appelle, le Conseil de transition, là, un truc du genre. Qui est finalement qui est intégré par toutes sortes d'éléments de l'Al-Qaïda, des éléments contre qui les soldats américains ont dû combattre en Afghanistan et en Irak, se sont retrouvés en Libye. Et puis là, et finalement, on les reconnaît comme étant le gouvernement légitime de la Libye, des gens qu'on a armés aussi, qu'on a qui n'ont rien à voir finalement avec le peuple libyen, réellement, le peuple libyen qui n'a aucune absolument rien à voir avec ces fameux rebelles qui sont simplement des terroristes, là, réellement, là. Voilà. Donc, voyez, là, ces trucs-là. Là, on parlait ici, là, du Yémen. Alors, vous avez Obama aussi qui a augmenté les frappes aériennes via ces fameux drones au Yémen. Alors, là, on continue, évidemment, à tuer aussi toutes sortes de personnes. Alors, ici, vous avez des nouvelles. Des nouvelles, vous allez trouver plusieurs nouvelles là, où les drones ont tué des civils, des supposés suspects, en tout cas des gens qu'on n'a jamais finalement prouvé ou quoi que ce soit, là, qui étaient vraiment des terroristes. Ou, alors, ben là, vous avez aussi ben, ces fameux, le contraste que je voulais dire, ben, c'est ça, c'est que vous avez les Américains qui prétendent mener une guerre humanitaire en Libye. Printemps arabe, bla bla bla. Alors qu'au Bahreïn, vous avez vraiment, au Bahreïn et puis au Yémen, vous avez vraiment un mouvement social, un vrai printemps arabe, si vous voulez, là, des gens qui en ont marre de la dictature qui est en place au Bahreïn et qui est en place au Yémen, mais qui, ces dictatures, sont supportés par justement les États-Unis. Alors ça, c'est les tyrans, c'est les buddies, c'est les grands amis des États-Unis. Alors ça, voyez là, bon, ben là, on va pas supporter ces gens-là. Alors parce que vous voyez là, il faut maintenir ces régimes. Ces régimes tyranniques en place parce que là, ils servent les intérêts des États-Unis. Alors là, on bombarde pas évidemment le Bahreïn pour faire tomber la dictature là. Au contraire, on supporte la tyrannie qui est en place au Yémen et au Bahreïn au détriment de la population. Puis au détriment, je vous dis, c'est réellement au détriment, là, je dis, la population qui se fait rentrer dedans par les forces de l'ordre, et puis même l'armée à coups de chars d'assaut, et puis on tire dans la foule. Alors, vous allez trouver plusieurs nouvelles où vous voyez là, des dizaines et des dizaines de personnes qui ont perdu la vie. Et puis là, le gouvernement américain et puis l'OTAN n'interviennent pas. Alors, on ne sent pas de besoin urgent de mener une guerre humanitaire dans ces pays-là avec des frappes aériennes supportées par les pays européens. Alors, voilà, hein, la grande hypocrisie, les doubles standards. Et puis voilà justement qui révèle aussi, hein, les absurdités, non seulement les absurdités, mais la vérité aussi de justement, c'est quoi les intérêts de ces empires anglo-saxons, sionistes. Qui sont en train de mater le reste de la planète. Alors, vous allez voir les forces du gouvernement au Yémen. On a tué ici dans une nouvelle 50 manifestants. Dans une autre nouvelle ici, c'est 40. Alors, ici, c'est apparemment 10 suspects de l'Al-Qaïda qui ont été tués dans le sud du Yémen. Et puis, vous allez en trouver comme ça beaucoup, beaucoup de nouvelles où vous voyez. Toutes sortes là, de tueries, de boucheries qui se passent dans ces pays-là. Alors, vraiment des guerres. Alors, on tue vraiment des personnes là-bas, dans ces pays-là. Vous avez les Yéménis qui se sont rassemblés pour protester contre, justement, les États-Unis, puis le soutien qu'ils donnent à ces régimes tyranniques qui sont au pouvoir au Yémen et puis en Somalie, au Pakistan. Donc, sorte d'absurdité comme ça qui se passe. Alors, allez voir ça. C'est quand même très important là, de savoir ce qui se passe dans ces pays-là. Puis c'est pas parce qu'on n'en parle pas dans les médias que ça brasse pas, puis que la situation est pas absolument critique. Alors, Alors, voilà. Alors, vous avez toutes sortes de. Ici, vous avez, j'ai sous les yeux, là, au moins trois nouvelles où on parle des États-Unis qui veulent intensifier justement les frappes aériennes secrètes au Yémen. Alors, ça continue, ça continue. 100 000 manifestants ici qui se sont déversés dans les rues au Yémen pour manifester contre justement. Le régime en place qui est soutenu et puis qui est supporté par l'Arabie Saoudite avec ses forces militaires. Alors, c'est en train de tourner. Écoutez, quand on dit que quand une révolution tranquille, une révolution normale, on ne laisse pas le peuple changer les choses de façon pacifique. Ben, forcément, à un moment donné, une révolution violente et sanglante est inévitable. Et puis, c'est ça qui est en train de se passer dans ces pays-là. Et on n'en parle pas. En anglais, ils appellent ça des low intensity wars, alors des guerres à basse intensité. Et puis, c'est des nouveaux concepts. Alors, c'est des guerres multiples qu'on mène sur plusieurs fronts. Et puis, alors qu'on vous parle de l'Afghanistan et puis de l'Irak, on ne parle pas de ces guerres secrètes qui ont lieu, mais qui en sont. Alors, voilà. Donc, chers amis, allez trouver ça. Allez, vous allez trouver plusieurs nouvelles par rapport à ça, Somalie-Yémen. Alors, on revient ici avec nos nouvelles. Alors, on va terminer un peu avec ce domaine, justement, le militaire un peu partout dans le monde. Ici, vous avez juste avant qu'on parte en pause, vous vous rappelez, on parlait de ce fameux programme spatial américain qui a pris fin avec la dernière envolée de la navette spatiale américaine. Et maintenant, on disait que les Américains vont devoir emprunter des raids sur les navettes russes. Mais ça cache aussi quelque chose, et puis ça vaut la peine de le mentionner. Ça cache le fait que le programme civil spatial américain a pris fin d'une certaine façon, mais c'est pas tout finalement le programme spatial en tant que tel qui a pris fin, c'est-à-dire que on l'a transféré comme dans le passé avant la création de la NASA qui avait pour but finalement de rendre civil le programme spatial. Alors on est en train de le remilitariser, on est en train seulement de leur faire placer entre les mains des militaires et puis de finalement apporter une chape de silence sur ce fameux programme parce que et maintenant on veut développer et puis surtout s'assurer l'hégémonie militaire de l'espace. Alors ça c'est assez important et puis là vous avez les États-Unis justement qui ont justement présenté ont finalement si vous voulez révélé un arsenal de guerre spatiale. Alors ici, vous avez le gouvernement qui a révélé des initiatives spatiales secrètes, mais formelles, qui justement viennent souligner la continuité, si vous voulez, de la dominance orbitale spatiale des États-Unis. Alors, la NASA a annoncé des plans pour construire la plus grosse fusée qui devrait être prête pour être lancée dans 6 ans et qu'on va appeler le National Reconnaissance Office. Alors, ça, c'est le bureau qui va maintenant gérer les satellites de surveillance les plus secrets des États-Unis. Et écoutez, vous avez justement ce bureau qui a utilisé l'occasion de son 50e anniversaire pour déclassifier, rendre public justement de la façon qu'ils ont utilisé l'écoute électronique par satellite dans ces différentes campagnes militaires contre l'Afghanistan. Alors, une nouvelle assez importante ici, allez voir. Donc voilà, on va faire une petite pause musicale et puis après ça, on va se retrouver avec des nouvelles. On va retourner un peu aux États-Unis avec différentes nouvelles et puis après ça, on va se glisser, on va faire un autre tour vers le Moyen-Orient où on va parler un peu de cette demande d'être reconnue par les Nations Unies, la demande palestinienne d'être reconnue comme étant une nation, un État souverain. Alors voilà.

Vous êtes de retour de la pause. Alors, ben oui, aux États-Unis, ça continue aussi de se dégrader. Je veux dire, la situation autant économique que sociale, et puis réellement, là, les tensions continuent de monter. Et là, il y a des événements assez particuliers qui se passent. Ici, j'ai des nouvelles dont je voulais vous parler. Maintenant, ici, on apprend que des drills, hein, donc des exercices, comment je vous décrirais ça en français, des terror drills, des exercices contre je dirais des actes de terrorisme sont maintenant demandés par la loi. Alors, on demande que les garderies, puis la première année de l'école élémentaire reçoivent des exercices comme ça de façon mensuelle pour pratiquer les gens, ben, les jeunes en fait, à différentes situations comme, mettons, un tireur fou ou une menace à la bombe ou des évacuations. Alors, on est en train de tout simplement mettre en place des plans comme ça pour supposément pratiquer les jeunes, en cas de situation d'attaque terroriste ou quoi que ce soit. Sauf que réellement, vous devez comprendre que ce qu'on est en train d'implanter, en réalité, c'est une peur, en réalité, hein? On est en train de terroriser les jeunes qui, à cet âge, n'ont vraiment pas l'intellect pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis, là, vous allez avoir toutes sortes de situations assez épeurantes dans lesquelles ces jeunes-là vont être plongés et puis de qui on va demander différentes réactions. Ce qui est assez particulier, assez dérangeant, je vais vous dire, comme truc. Alors, c'est pas la seule chose qui est en train de se passer aux États-Unis qui fait sourciller ces derniers jours et puis se poursuivant, en fait, de ces jours-ci. On a des importantes opérations qui sont menées aux États-Unis, dont à Denver, autour de l'aéroport de Denver, qui, bon, si vous connaissez un peu les bases souterraines et puis les trucs du genre, vous savez que c'est pas mal documenté que il y a une base souterraine énorme sous l'aéroport de Denver qui a été construit pour, on se demande quoi, en réalité, pour savoir si, on se demande si c'est pour abriter une continuité du gouvernement ou pour s'abriter contre un cataclysme. Réellement, là, c'est à se poser des questions. En tout cas, là, on est en train de mener des exercices, justement, encore là, pour supposément se préparer contre un événement de terrorisme. Sauf que ça se trouve être un truc énorme, en fait, probablement une des plus importantes pratiques comme ça, réunissant plus de 100 agences qui vont converger dans la région de Denver pour ces fameuses pratiques, ces fameuses drills contre le terrorisme qui a été dénommé Opération Mountain Garden. Et puis, ben écoutez, c'est censé être des opérations semi-secrètes d'une certaine façon parce que, vous savez, ces trucs-là ne prennent pas place pour garder le public en sécurité. Mais on est plutôt en train de se pratiquer ouvertement, en fait, pour la loi martiale ou une prise de contrôle des États-Unis par les forces de l'ordre militaire. Et aussi, par une certaine façon, de garder le public épeuré d'une certaine menace de terrorisme. Donc, vous savez, le type de scénarios qui sont simulés dans ces genres d'exercices de large échelle, vous savez, de grande échelle, finalement, ne se produisent pas dans la vie de tous les jours sans l'aide du gouvernement ou des réseaux, des services secrets réellement. Donc, allez voir ça, plusieurs nouvelles qui parlent de ça, très, très particulier de ces jours-ci, puis qui posent des questions, qui soulèvent des questions par rapport à justement cette fameuse date là, de la fin septembre, du 27, 28, 29, 30 septembre, où apparemment des choses pourraient peut-être se passer aussi par rapport à peut-être des phénomènes cosmiques aussi, en tout cas. On va voir là, ce qui se passe là. Ensuite, on a la Russie qui croit que les États-Unis et puis Israël qui sont derrière ce fameux virus Stuxnet là, qui avait attaqué le programme nucléaire, les ordinateurs du programme nucléaire iranien, et puis qui pourrait être même responsable d'une certaine partie des dégâts qui sont produits à Fukushima et à l'intérieur de plusieurs autres centrales nucléaires à travers le monde. Alors maintenant, on avait parlé dans le passé ici sur l'autre monde, mais vous voyez que là, ça continue de se confirmer. Alors la Russie. Parlant de la Russie, ben vous avez aussi Vladimir Poutine qui pourrait devenir de nouveau le prochain président. Alors que Dmitri Medvedev, maintenant, va quitter ses fonctions très bientôt. Alors ça, c'est rapporté par le Telegraph en Angleterre. Alors, le président Vladimir Poutine qui pourrait redevenir président de la Russie. Alors, une nouvelle qui ne doit pas faire plaisir à certains, en tout cas. Vladimir Poutine qui avait le tour de bien protéger, d'une certaine façon, là, la Russie des intérêts sionistes, en tout cas. Et qui ne faisait pas l'affaire non plus, bien souvent, des Américains. Alors, retour possible de M. Poutine au pouvoir, en tout cas, qui va se présenter. Là, je crois qu'il a présenté là, ses intentions, là, justement, de se présenter aux prochaines élections. Ensuite, on va maintenant se rapprocher, plus proche maintenant d'Israël. Alors, Israël, la Palestine, on va parler un peu de la Turquie ici, des nouvelles absolument importantes. La violence qui est à son sommet depuis avril entre Gaza et puis Israël. Vous avez eu différents échanges là, de feu, en fait, des roquettes, et puis là, vous avez les Israéliens qui ont répliqué, et puis vous avez eu. Il y a eu des gens qui ont perdu la vie, comme d'habitude. Alors, ça continue de se bousculer dans ce coin-là. Et puis, là, vous avez le cabinet israélien aussi qui a annoncé des plans de déplacer avec force, vraiment, là, des dizaines de milliers de Bédouins. Alors, j'espère que je le prononce bien. En fait, là, j'ai le mot en anglais ici, mais vous savez, c'est ces gens qui habitent. C'est des Arabes qui habitent dans des villages bédouins, et puis ils sont environ 30 000 qui habitent dans le sud de l'Israël. Et puis Israël, ces gens-là veulent les chasser de leur maison. Alors, vous voyez, ça continue, ces genres de pratiques absolument douteuses de l'État d'Israël. Vous avez des experts aussi des Nations Unies qui ont déclaré que justement le blocus israélien contre Gaza est illégal. Que cette fameuse blocade navale aussi qu'Israël pratique contre la bande de Gaza et puis qui s'amuse à arrêter toutes les flottilles d'aide humanitaire viole la loi internationale. Ça vient d'un panel d'experts sur en fait en droits humains qui rapportait justement au corps des Nations Unies. Alors, ça continue de s'aggraver pour la situation de vraiment là, de l'image d'Israël dans le monde. Israël qui continue ses attaques aériennes sur Gaza. Alors d'autres Palestiniens qui sont tués, qui sont blessés. Alors ça continue, c'est la façon que la population israélienne vit tous les jours. Donc c'est vraiment la situation là-bas. Ensuite, écoutez, vous allez trouver aussi différentes nouvelles qui parlent d'Israël qui a légitimé de façon rétroactive ses occupations illégales dans les colonies occupées. Alors, même aussi des maisons qui ont été carrément volées de ses propriétaires. Alors, Israël qui se justifie de ça. Et puis, légitime ces pratiques-là de façon rétroactive. Alors, vraiment, on se permet n'importe quoi. Les Palestiniens bédouins, une autre nouvelle ici, on parle de nettoyage ethnique qui sont menacés d'être tout simplement chassés de leur village qu'on ne reconnaît pas dans le désert du Négève. Alors, ça continue. Vous avez des tensions aussi qui continuent de monter entre la frontière et puis entre l'Égypte et Israël. Alors, vous avez toutes sortes de situations qui se sont passées à la frontière, des attaques sur les pipelines depuis qu'on a renversé finalement Moubarak en Égypte. Vous avez le peuple égyptien qui finalement révèle ses vraies couleurs et puis on se distance de plus en plus d'Israël et puis des pactes même qu'on avait signés. Et ça a tendance à rendre Israël de plus en plus nerveuse. Alors, vous avez des protestants égyptiens aussi qui ont même attaqué et même réussi à démolir le mur entourant l'ambassade israélienne. Alors ça s'est passé dans les dernières semaines. Alors, vous avez les États-Unis qui avaient même demandé à l'Égypte de vraiment là mettre la main au collet de ces protestants, en fait, de ces manifestants. Et puis, vous voyez, c'est assez incroyable, les Égyptiens qui protestent contre Moubarak, on déclare ça comme étant de la démocratie. Et puis là, les Égyptiens protestent contre Israël. Et puis là, ça ne peut pas être toléré. Alors, vous voyez encore là les doubles standards, les deux poids, deux mesures, vraiment là, flagrants. Et puis ensuite, ben l'autre cas qui commence à soulever beaucoup de contentieux et qui commence à être très sérieux dans la région, c'est ce qui se passe en Turquie. Avec, vous savez, Erdogan, qui se trouve à être probablement le président à la surface de la planète, qui se trouve avoir les gonades masculines les plus importantes. Monsieur Erdogan, qui finalement tient tête à Israël et continue de blâmer Israël et d'accuser Israël vraiment d'avoir commis des actes criminels en tuant plusieurs, en fait c'est 9 personnes sur le bateau, hein. Vous vous rappelez de cette aide humanitaire l'année passée, 9 personnes dont un qui était aussi, qui détenait une citoyenneté américaine et puis les autres turcs, et qui ont été abattus de sang-froid sur le bateau en eau internationale, réellement, là, qui est carrément un acte de guerre et puis un crime de guerre. Et en fait, un crime contre l'humanité. Non, un crime de guerre, un crime de guerre. Et puis, ben, vous savez, là, Erdogan continue de tenir tête, justement, à Israël. Lui, il s'est déplacé vers l'Égypte aussi pour faire différentes ententes avec l'Égypte. La Turquie qui va signer aussi des pactes militaires avec l'Égypte après avoir coupé les bon, différents liens d'échanges commerciaux avec Israël. Hein? Alors, vous avez maintenant des alliances économiques et militaires entre la Turquie et l'Égypte qui vont être signées entre ces deux pays-là. Et ensuite, ben, vous savez, c'était la première visite d'un premier ministre turc en Égypte en 15 ans. Alors, imaginez, c'est quand même assez incroyable. Alors, vous avez Israël, elle, qui, pendant ce temps, a passé les 60 dernières années à se fabriquer des ennemis tout autour d'elle, avec tous ses voisins, tout simplement. Alors que tous ces fameux ennemis-là, entre parenthèses, sont en train de s'unir contre Israël, justement, maintenant. C'est assez incroyable. Alors, Israël va maintenant sans doute demander encore plus d'argent des Américains. Et puis, plus de vies américaines aussi vont être sacrifiées pour sauver Israël de ses propres erreurs. Alors, vous voyez tout le truc qui est en train de se passer là aussi. Quand je vous disais que la situation est complexe et absolument enchevêtrée dans toutes ces régions-là, alors, vous voyez d'autres exemples ici. Vous avez aussi le premier ministre turc, M. Erdogan, lui qui a annoncé que les prochains bateaux d'aide humanitaire se dirigeant vers Gaza seront escortés par des bateaux de guerre. Alors, vous voyez que la rhétorique continue de s'échauffer entre la Turquie et puis Israël. Et vous avez aussi la Turquie qui a maintenant pris des mesures pour stopper, pour arrêter Israël d'exploiter de façon unilatérale les ressources de gaz naturel dans la région de la Méditerranée. Alors, voyez que les tensions vont pas non seulement continuer de monter, mais ça risque de dégénérer assez rapidement. Vous avez aussi maintenant des voix en Turquie qui déclarent que justement on se prépare pour une guerre, maintenant peut-être même contre Israël ou quoi. Vous avez dans une interview avec Charlie Rose, alors vous avez le premier ministre Erdogan, alors on lui a demandé si lui il percevait des attaques israéliennes contre une prochaine flottille humanitaire vers Gaza. S'il avait vu en fait cette attaque-là qui s'était passée, qui a vous aviez, comme je vous disais, ces fameux Turcs qui avaient été tués comme étant une cause d'une guerre. Alors, écoutez, vous avez Erdogan, lui, qui a déclaré que ils vont faire tout ce qu'il faut pour, en fait, même tout ce qui est nécessaire pour que la prochaine ne soit pas attaquée. Alors, vous voyez, c'est quand même assez incroyable. Là, je dis Israël qui avait attaqué trois bateaux qui transportaient plus de 400 personnes provenant de plus de 33 pays différents en eau internationale et qui avait été attaqué via l'air et puis l'eau. Hein, donc, par la force des Marines, si vous voulez, israéliens. Et puis, ben voilà, donc, Erdogan avait souligné que, justement, un tel type d'attaque en eau internationale était contre, justement, cette loi internationale. Alors, que c'était effectivement un acte de guerre c'était suffisant pour causer une guerre. Donc, le premier ministre turc a d'ailleurs réitéré qu'Israël devrait s'excuser à la Turquie pour ces fameuses attaques et payer des compensations aux familles des victimes. La Turquie a d'ailleurs demandé aussi la fin du drillage qui se passe sur projet de Chypre. Alors, vous avez aussi toute une histoire qui se passe là, hein, où je parlais avec cette histoire d'exploitation de pétrole et puis de gaz naturel dans cette région-là aussi, et qui commence à se frotter avec justement l'Israël qui, elle, justement, exploite ce pétrole avec la Chypre. Alors, vous avez différentes ententes là, énergétiques entre Israël et puis Chypre. Donc, là, vous avez par contre la Turquie qui ne reconnaît pas hein, le gouvernement de la Chypre. Et puis, ben là, ça va jouer dans les plates-bandes d'Israël parce que là, on a des ententes justement énergétiques pour exploiter du pétrole dans cette région-là. Alors, on va espérer que des têtes vont être capables de rester à froid, vous savez, en Turquie, puis autant en Grèce qu'en Tel Aviv, parce que la Grèce aussi se trouve à être impliquée dans ce genre de triangle-là, parce que vous avez Israël qui a finalement promis beaucoup d'argent, ou je ne sais pas ce qu'ils ont promis à la Grèce, mais finalement la Grèce s'est retournée de bord, et puis vous vous rappelez, avait empêché d'autres flottilles d'aide humanitaire de partir de ces ports pour aller rejoindre la bande de Gaza il y a quelques mois, cet été en réalité, là. Maintenant on est à l'automne, là, mais c'est passé, là, je crois que c'était au mois de juillet, si je me rappelle bien. Alors, il y a toutes sortes là, vraiment d'enjeux là, qui se passent dans cette région-là. Et puis là, ben, vous savez, ça commence à tomber sur les nerfs assez royalement des hyper-sionistes en Israël. Et puis, vous connaissez le modus operandi des sionistes. Alors, vous vous rappelez de ces fameuses attaques terroristes, hein, de ce fou en Norvège. Dont on avait beaucoup parlé aussi cet été et qui s'était produit alors que la Norvège est extrêmement critique justement des agissements, du comportement d'Israël et puis de son armée, autant contre ses voisins que les Palestiniens. Et puis, ben là, whoop, tout d'un coup, ben vous aviez eu ce fou-là. Qui se disait très proche justement des vues néoconservateurs, sionistes et d'Israël, et qui avait fait une tuerie assez incroyable. On s'en rappelle ce qui était passé là. Et puis là, ben, comme je vous disais, la Turquie maintenant tombe sur les nerfs royalement là, d'Israël. Et puis là, ben, boum, vous avez ici un ministre israélien qui a poussé. Hein, ont appelé à ce qu'on arme des terroristes pour punir la Turquie. Alors, c'est assez incroyable. Je veux dire, vous avez Lieberman, si vous avez sûrement entendu parler de ce fameux ministre israélien, Lui, ben c'est ça, hein, lui, il est pas mal frustré que la Turquie a demandé des excuses, justement, de ses travailleurs, ses bénévoles, d'aide humanitaire qui ont été tués en eau internationale sur le Mavi Marmara. Et puis, ben là, vous avez des rapports qui clament, qui en fait, qui rapportent que Lieberman, lui, est en train d'organiser, d'armer des gens du PKK, alors le Kurdistan Workers Party, une organisation terroriste, et puis qui justement a lancé des attaques récemment contre l'armée turque. Alors, c'est assez particulier. Puis là, ben, vous avez Netanyahou qui, lui, a essayé de se distancer justement de cette histoire-là, refusant de confirmer ou de dénier même l'authenticité de cette histoire, insistant qu'il continue d'espérer qu'on va restaurer, on va replacer les relations entre l'Israël et puis le gouvernement turc. Alors, c'est assez incroyable. Alors, vous voyez, Israël, maintenant, est officiellement un État qui supporte le terrorisme. Alors, allez voir ça, c'est des nouvelles très sérieuses, là. Je vous dis ça sur un ton très calme. Je veux dire, vous avez ici carrément un ministre israélien qui a publiquement appelé à armer des terroristes pour attaquer la Turquie. Et puis là, pas clair, qu'est-ce qui arrive? Des explosions à Ankara, dans la capitale turque. Eh oui, quand est-ce que ça s'est passé? Quelques jours, vous avez des vidéos, allez voir ça. Des voitures qui ont explosé. Ça a touché la ville, la capitale turque. Mardi dernier, si je me rappelle bien, deux personnes au moins ont été tuées, plusieurs ont été blessées. L'explosion a eu lieu dans un minibus dans le centre-ville, dans le district de Kizilay. Et puis, plusieurs véhicules ont été endommagés, et puis plusieurs vitres ont été évidemment fracassées par la force de la bombe. Alors, évidemment, il y a beaucoup de questions à se demander si le Mossad ne serait pas derrière ça, ou des fameux terroristes qu'on a justement appelés à armer puis attaquer la Turquie. Hein? C'est pas incroyable quand même. Je veux dire, voyez la suite. Des événements qui se passent et puis qui en fait soulèvent plusieurs questions. Hein, est-ce qu'on peut parler ici de simple coïncidence? Je vous le dis bien franchement, là. Alors, ici, vous avez cette date, Lassiner, qui est la tête de ces fameux groupes, là, hein, vous savez, là, de réflexion, qu'on appelle en anglais des think tanks turcs. Lui a déclaré que des agents du Mossad et puis des gens à la retraite, des anciens militaires de l'armée israélienne, ont été vus et puis ont été pris à donner de l'entraînement à des militants de ce fameux PKK, comme je vous parlais un peu plus tôt. Alors, voyez, ça va peut-être enseigner une petite leçon à la Turquie. Hein? Et puis, il les a renseignés, hein, d'une petite morale d'arrêter de se plaindre qu'on tue de leurs citoyens en eau internationale. Et puis là, d'ailleurs, vous avez ici une autre photo assez intéressante où on voit des photos d'un camp d'entraînement, justement, où on voit justement des Israéliens qui sont habillés comme des Arabes. Ah, on sait, toi. Hein, on se fait passer pour des Arabes, on fait exploser des bombes, après ça, on blâme des Arabes, des musulmans, des islamiques, toutes sortes d'affaires. Quand même assez particulier. Allez voir ça. Donc, ici, vous avez d'ailleurs l'armée israélienne qui ont averti d'une possibilité d'une guerre qui pourrait enflammer tout le Moyen-Orient au complet. Alors, ça, c'est la tête, justement, du Home Front Command en Israël qui a déclaré ça sur Channel 10. Donc, voyons, on se prépare à ça, hein, et puis on dit que, justement, ce potentiel de conflit pourrait inclure aussi l'utilisation d'armes de destruction massive. Ah bon, regardons ça. Vous avez Israël et puis la prochaine guerre nucléaire. Dans une vidéo ici, allez voir l'article qui sort de Veterans Today par Gordon Duff. Gordon Duff qui écrit parfois des très très bons articles. D'autres fois, ça laisse à désirer. Alors, je vous laisse juger par vous-même, mais celle-là qui en valait quand même la peine, à mon avis. Alors, on disait qu'ici, il y a un an seulement, Israël et Turquie étaient des très, très bons amis. En fait, ils étaient très, très, très, très, très, très, très bons amis. Leurs agences d'espionnage aux États-Unis partageaient des secrets nucléaires, les vendaient à la Chine, en Corée du Nord, au Pakistan, au Brésil, travaillaient comme des partenaires pour faire du chantage à Washington, faire danser des officiels corrompus et puis des officiers militaires traîtres. Alors, ben là, tout d'un coup, un an plus tard, oups, on se retrouve avec finalement une situation totalement différente. Ensuite, ben vous avez l'ambassade israélienne qui a été évacuée au Jourdan. Et on a eu justement des manifestations monstres là-bas parce que on commence justement à écoutez, là, à mettre le feu aux poudres un peu partout, là. C'est sûr qu'Israël est en train de se créer plusieurs ennemis. Alors, vous avez eu des marches assez importantes. Là, on parle possiblement d'un million de personnes là, qui ont marché dans les semaines précédentes. Alors, ensuite, vous avez ici une autre nouvelle concernant l'Iran. On a mis en marche, finalement, cette fameuse centrale nucléaire pour produire de l'électricité. Alors, ça s'est passé le 12 septembre passé. Et puis, voilà, le monde a survécu, hein? Donc, voilà, on n'a pas. Eh non, l'Iran n'a pas commencé à bombarder le reste du monde avec des bombes nucléaires. Tout va bien aller, aucun problème. Hein? Donc, c'est incroyable. En tout cas, une chose qui est certaine maintenant, c'est que si Israël décide de bombarder cette fameuse centrale nucléaire qui est maintenant opérationnelle, alors ce qui en résulterait serait une contamination nucléaire qui, franchement, le pourrait rivaliser facilement avec Tchernobyl et Fukushima. Alors, vraiment, l'échelle de ce désastre est assez important. Et puis, ça reste à savoir maintenant si ça va être assez massif pour repousser la folie des sionistes israéliens d'aller mettre une bombe là-dessus, c'est d'attaquer cette fameuse centrale. Mais probablement pas parce que vous savez, Israël a déjà risqué cette même chose alors qu'il avait bombardé justement la centrale nucléaire en Irak qui s'appelait Osirak. Et un autre aussi, un autre lieu en Syrie qu'Israël a déclaré était possiblement, en tout cas, un réacteur nucléaire. Alors, ce n'est pas la première fois qu'Israël fait ça, finalement, c'est ce que j'essaie de vous dire. Plus proche ici au Canada, Harper a déclaré que l'islamisme était la plus grande menace du Canada. Wow! Harper, qui, moi j'ai rebaptisé Mini Bush, Mini George Bush. Alors, lui, vous savez, il a obtenu sa majorité au gouvernement. Et puis là, ben, ce pro-sioniste néoconservateur de l'extrême droite religieuse est en train de se mettre en place confortablement. Et puis, on va assister ici à un ravage assez grave au Canada et une détérioration massive de notre image à l'échelle internationale. Parce que là, vous allez voir maintenant le Canada lécher le derrière, devenir l'esclave total des lobbies israéliens sionistes. Et vous devez comprendre aussi qu'on est étroitement lié avec les néoconservateurs aux États-Unis. D'ailleurs, celui qui écrit toutes les speeches de Harper est l'ancien de George Bush, hein, pour vous dire. Alors, ces gens-là sont tous liés ensemble. Alors, voilà, donc vous allez voir maintenant toute la même propagande, toute la grosse marde qui sortait aux États-Unis de la bouche, justement, de la bouche de George W. Bush et toute sa clique, de toute sa cabale, et bien là, ça va se produire maintenant ici au Canada, les Canadiens qui vont descendre en enfer. On va assister vraiment à une campagne de peur totale. On va faire passer des nouvelles lois pour craquer les lois contre la criminalité. Vous allez voir l'État policier qui va se mettre en place de façon sévère ici au Canada, sombrer dans les droits et libertés. Vous allez voir la politique étrangère qui va être complètement alignée sur l'idéologie néoconservateur ultra-sioniste. Et ça va faire dur, chers auditeurs, ça va faire dur. D'ailleurs, vous avez dans les différentes nouvelles, ici, c'était publié le 19 septembre, le Canada devient le premier pays à signer le protocole d'Ottawa. Alors, j'avais déjà publié un article là, en collaboration avec un collaborateur ici de l'autre monde qui justement parlait de ce fameux protocole d'Ottawa. Alors, réellement, j'avais appelé ça Je crois que le titre était Nécronologique. C'était quoi, mon Dieu, la liberté d'expression au Canada, un truc du genre. En tout cas, la liberté d'expression au Canada va mourir. Réellement, là, vous allez voir, ça va être difficile. Là. De plus en plus, ça va être difficile là, même de tenir là, des conversations honnêtes comme on en tient ici sur l'autre monde, parler de la question palestinienne, de la question israélienne. En toute objectivité, sans parti pris, sans réellement, sans billet ou quoi que ce soit. D'ailleurs, écoutez, on va aborder très rapidement là, l'émission. Il reste à peu près un quart de l'émission là. Il faut parler de cette demande de l'État palestinien là. Et puis, je vous avais parlé un peu plus tôt dans l'émission d'un de mes amis qui anime la chaîne sur YouTube de Plot 9-11 et puis qui fait des excellentes vidéos et puis lui s'était mis à parler justement du cas de la Palestine et puis de cette demande aux Nations Unies d'accéder à l'État de nation et puis avoir un siège aux Nations Unies et puis YouTube a suspendu son compte pendant 2 semaines. Imaginez-vous donc. Et puis ça commence à être des ramifications, des possibilités qui vont être de plus en plus fréquentes ici au Canada. C'est pas carrément des poursuites et des mises en prison, fermeture de comptes sur Internet, fermeture de sites Internet, c'est à venir. Le Canada qui devient le premier pays à signer le protocole d'Ottawa, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce fameux protocole d'Ottawa sur la lutte contre l'antisémitisme. Et puis, vous irez voir cet article sur l'État du Québec et sans papier que j'ai publié, puis sur les nouvelles internationales d'ailleurs. Et puis, écoutez, ce qui arrive, c'est que sur le prétexte de l'antisémitisme, on va carrément instaurer une police de la pensée complètement orwellienne. On va contrôler le débat et puis interdire toute critique, finalement, même saine et légitime, des politiques étrangères, israéliennes et puis de l'État d'Israël, pratiques d'apartheid et puis des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, l'utilisation d'armes chimiques, je veux dire, nommez-les, tous les trucs se sont faits. Ben, ce ne sera même plus légal de les mentionner parce que ça va être considéré comme étant un discours haineux, discours raciste, antisémite ou whatever. Et puis là, ben, c'est ça, mon ami de Peter, de Plot 9-11, ben, lui s'est vu voir son compte suspendu pendant 2 semaines. On a eu aussi, ça a été rapporté même par certains médias aux États-Unis, Yahoo, qui avait suspendu aussi des gens qui parlaient bon, des manifestations à New York. Alors, c'est un peu un sujet différent, mais vous voyez de plus en plus la censure qui se fait. Alors, les courriels qui avaient rapport à ça étaient ne passaient pas. Alors, voyez, on commence à jouer dans les plates-bandes. Et puis, d'une façon ou d'une autre, ce contrôle est en train de se mettre en place, peu importe le sujet, mais celui concernant en tout cas l'antisémitisme et puis Israël est assez important. Ça a été lancé en novembre 2010 à Ottawa lors de la coalition interparlementaire de lutte contre l'antisémitisme. Et puis, le protocole est un plan d'action dont l'objectif prétendu est d'aider les pays à mesurer et à mettre en évidence les progrès qu'ils réalisent en ce qui a trait à la lutte contre l'antisémitisme. Le gouvernement agit en tant que chef de file, on dit-on dans cette nouvelle ici, là, qui a été publiée sur l'agence QMI. Que le gouvernement agit en tant que chef de file dans la lutte contre l'antisémitisme. Et puis, on dit que le protocole d'Ottawa complète les efforts que le Canada déploie actuellement pour lutter contre la haine et la discrimination, notamment contre l'antisémitisme. Alors, c'est vraiment quelque chose d'assez honteux. Je veux dire, là, vous allez voir, là, réellement, c'est tout le temps, chers auditeurs, se cacher sous des beaux prétextes, tu sais, de la lutte contre la pédophilie, par exemple, des trucs, tout le temps des trucs comme ça. Et puis finalement, ben, on se trouve à censurer réellement la dissidence qui finalement amène beaucoup d'embarrassement, beaucoup de gêne, beaucoup de honte aux autorités qui finalement devraient être traînées en cour, devraient être emprisonnées. Je veux dire, des gens qui finalement sont des traîtres, des gens qui luttent contre la population, des gens qui essayent d'instaurer une police de la pensée, essayent de nous dicter qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qui est pas sain de penser. Je veux dire, vraiment, c'est assez incroyable. Alors, vous allez voir ça, allez voir la chronique nécrologique, comme je disais, je vous ai laissé le lien là. Liberté d'expression sur l'Internet au Canada qui était prêt à disparaître là, réellement, c'est tout ce qui est le plus sérieux et réellement inquiétant en tout cas. Donc là, vous avez d'ailleurs le FBI, lui, qui enseigne à ses agents que les musulmans, même mainstream, sont violents et radicaux. Alors, on dit que finalement, les musulmans, même de la rue normale, là, tout le monde, je veux dire, sont. Dès que tu es musulman, finalement, ça veut dire que tu es violent puis des radicaux. Alors, on est en train d'entraîner les agents du FBI à penser comme ça. Alors, et puis d'ailleurs, vous avez des officiels américains qui se sont empressés de rassurer Israël que même si on était pour couper des milliards de dollars dans l'économie américaine, que cela n'affecterait pas l'aide militaire israélienne, en fait, vers Israël. Alors, finalement, on est en train de dire que on va couper de l'argent dans les écoles, dans la santé, dans les ponts, les routes, l'infrastructure, la sécurité sociale aux États-Unis, mais on ne va pas toucher à l'argent des payeurs de taxes américains qui va à Israël. Alors, vous voyez, c'est quand même assez incroyable. Et puis, une autre preuve ici de cette fameuse influence importante, justement, qu'Israël a sur non seulement le gouvernement américain, mais aussi les médias. Ici, vous avez Fox News qui a une carte, justement, d'un débat, une des nuits précédentes, là, des jours qui viennent de passer, qui montrait justement qu'est-ce qui était le plus important, qu'est-ce qu'il pense qu'il est le plus important dans le monde. Et puis, sur cette carte, vous voyez différents mots comme, Wars, US, State, Obama, vous voyez, People, Iraq, War, Paul, Military, American. Mais tous ces mots-là sont de différentes tailles. Et puis, je dirais que les plus gros mots sont World, War, China, American. Vous avez United States qui est pas mal gros, en fait, qui est le deuxième plus gros mot. Mais le plus gros mot, puis en plein centre de l'image que Fox News a créé pour ce débat, c'est Israël. Alors, c'est incroyable. Alors, vous voyez vraiment l'importance là, du lobby israélien. C'est un autre exemple. Netanyahou a déclaré aussi, a dit à Obama que, justement, bon, là, on va entrer dans cette histoire-là de demande de reconnaissance de l'État palestinien. Vous avez Netanyahou qui a déclaré à Obama que, justement, cette tentative n'était pas pour s'accomplir. Alors, on est en train de. Ce que je suis en train de faire, finalement, ici, avant que ça devienne illégal, là, puis que je me fasse jeter en prison, là, je veux dire. Moi, espérer de pas me faire pogner, là. Moi, vous savez, je cours vite, c'est ça qui est le bon point, là. Quand je fais des farces aux auditeurs, mais je veux dire, c'est pas tant des farces que ça non plus, là. Les propos que je tiens ici pourraient être illégaux, réellement. C'est devenu ridicule comme ça, mais écoutez, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez été témoin la semaine passée. Encore une fois, l'État palestinien. Les Palestiniens qui demandaient d'être reconnus comme un État, ce qui est complètement ridicule. Je veux dire, pas le fait qu'ils demandent qui est ridicule, mais le fait qu'ils ne le soient pas déjà. Quand en 1948, on a donné une parcelle, on a pris une bonne partie de la Palestine pour leur donner, pour créer Israël, eh bien, je veux dire, Israël a déclaré unilatéralement son existence, qui a été reconnue automatiquement après ça par les États-Unis, puis on a reconnu son existence. Alors pourquoi la Palestine, qui a vu une partie de son territoire être donnée à une autre nation, finalement, pas à une autre nation, mais qui s'est vue donner à une autre à d'autres gens, et puis finalement, après ça, perdre soi-même son statut d'une nation, et puis d'être obligé, après ça, de courir après les Nations Unies pour se faire reconnaître comme étant une nation indépendante. Je veux dire, à un moment donné, ça devient assez ridicule. Et puis, ben, vous avez un gros 75% là, des nations du monde qui ont manifesté leur soutien et puis leur accord à ce que justement les Palestiniens puissent faire partie, deviennent membres des Nations Unies, puis aient leur propre nation, eux autres mêmes reconnus internationalement. Alors, ben là, vous avez la seule nation au monde avec Israël, donc j'ai nommé les États-Unis, Obama, qui lui n'a pas été capable de mettre ses culottes et puis a plié ses genoux encore devant Israël et puis a obéi comme un bon esclave et a tout simplement menacé, a déclaré qu'ils apposeraient leur droit de veto, même si on avait tout ce qui était demandé pour finalement obtenir cette reconnaissance d'être un membre officiel des Nations Unies. Alors, quand même assez incroyable. Et puis, ben là, ben écoutez, là, vous allez trouver dans les nouvelles de cette semaine une quantité absolument incroyable de nouvelles se reliant à ça. Une intéressante ici, on dit que l'Assemblée générale peut passer par-dessus un veto américain. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Alors, même si les États-Unis apposeraient leur veto contre ça, si les médias vous informeraient bien, vous seriez au courant de ça. Alors, vous avez une résolution 377 qui est connue comme en anglais étant la Uniting for Peace, qui a été passée en 1950 durant la guerre coréenne, la guerre contre la Corée, pour briser un deadlock et puis écoutez, ce qui se passe, c'est qu'on a en place dans la structure des Nations Unies et puis du Conseil de sécurité, vous savez, c'est un mécanisme qui est utilisé très rarement, mais si on a la majorité du deux tiers de l'Assemblée générale, ça peut passer par-dessus justement le Conseil de sécurité et puis ses membres qui possèdent ce fameux droit de veto dans des circonstances spécifiques. Alors, on dit que là, on explique comment ça peut se passer. Puis donc, finalement, ben, on devrait peut-être justement utiliser cette fameuse résolution 377 et passer par-dessus cette fameuse stupidité du gouvernement américain qui pourrait utiliser son droit de veto pour refuser les Palestiniens d'accéder à leur demande. Vous avez d'ailleurs Harper, maintenant notre mini Bush, maintenant hyper sioniste, qui lui aussi a rejeté cette demande à la nation d'obtenir une nation palestinienne. Alors, notre fameux Harper, qui, je tiens à le préciser, ne représente pas du tout, en tout cas, ne représente pas une frange importante, majoritaire des Canadiens. Alors, pour ce qui va se passer aux 4 prochaines années au Canada puis dans le monde, chers auditeurs, là, sachez que je ne veux pas parler au nom de tous les Canadiens, là, chacun a droit à son opinion, là, mais je peux vous affirmer avec une grande confiance que M. Harper ne représente pas les vues d'une grande majorité de Canadiens et Québécois. Okay? On s'entend là-dessus. Alors, on a essayé toutes sortes de truchements comme ça pour faire en sorte que les Palestiniens n'acceptent pas à leur demande. On leur demandait aux Palestiniens de passer par Israël, de reprendre les négociations, les pourparlers avec Israël, alors qu'on sait que ça ne mène absolument nulle part, que c'est la meilleure façon tout simplement de faire en sorte que les choses n'avancent pas. Alors, ça n'a jamais avancé durant toutes les dernières décennies. Alors, il n'y a aucune raison de croire que ça avancerait de cette façon-là. Et puis, si de toute façon Israël a pu déclarer unilatéralement sa nation, l'existence de sa nation, la déclaration d'indépendance, whatever, ça appelez ça comme vous voulez, la fondation de l'État d'Israël, la Palestine a le même droit, n'est-ce pas? Alors, chers amis, c'est pas aux États-Unis à décider ou à permettre aux États-Unis, permettre aux Palestiniens d'accéder à leur nation et puis à leur indépendance, leur souveraineté et d'être membres des Nations Unies. OK? Ça n'a absolument rien à voir. Et ce n'est pas à eux de décider de cette issue-là. Alors, voilà, donc vous allez trouver là plusieurs nouvelles par rapport à ça. On va essayer de trouver peut-être. Les États-Unis ont déclaré que utiliser leur droit de veto, finalement, ce serait pour les intérêts des Américains. Alors, vous voyez l'hypocrisie totale des Américains aussi, c'est absolument incroyable. Je dis Américains, je parle du gouvernement américain, là, de l'administration Obama, évidemment, je ne parle pas de tous les Américains. Alors, les États-Unis ont déclaré que, bon, c'était pour le bien des Palestiniens s'ils étaient pour utiliser leur droit de veto. Hein, oui, bien sûr. Absolument incroyable. Donc, vous avez justement des chefs militaires israéliens et américains qui se sont rencontrés pour ajuster justement leur ligne de propagande ensemble et puis les prochains plans dans le Moyen-Orient. Vous avez les républicains, des sénateurs républicains qui ont soumis une résolution aussi supportant les droits d'Israël d'annexer la Cisjordanie. Alors, voyez là, c'est absolument incroyable. Alors ça, c'est le niveau moral des États-Unis. Ben oui. Alors, on continue avec ça. Alors, vous allez trouver une liste aussi incroyable, là, je veux dire, de pays, de nations, là, qui, finalement, ont supporté cette demande palestinienne. Et puis, c'est quand même assez impressionnant. Il y a plusieurs nations. Le chiffre, je crois que c'est 137, un truc comme ça, de nations dans le monde, là. Israël qui a menacé, là, de dures conséquences. Si les Palestiniens allaient de l'avant avec justement leur déclaration d'indépendance, Israël qui a même menacé d'annexer justement les bandes de Gaza, et puis là, les États-Unis qui veulent leur reconnaître ça, absolument incroyable. Alors, ça continue de cette façon-là. Ensuite, ben écoutez, là, j'essaie de trouver toutes les mentions de ces pays-là pour en nommer une couple. D'ailleurs, ça vaut la peine de le mentionner aussi. Pareil, là, vous avez quand même plusieurs Israéliens. En fait, une grande majorité de la population israélienne, là, ça vaut la peine de le mentionner aussi, là. C'est pas anti-israélien, puis anti-bah, tu sais, c'est pas en train de faire du bashing antisémitique, là, je veux dire. Vous avez plusieurs Israéliens, en fait, des milliers d'entre eux, qui se sont ralliés à Tel Aviv pour dénoncer le premier ministre Benjamin Netanyahou et sa position contre la création d'un État palestinien à l'intérieur des frontières de 1967. Alors, ça aussi, là, c'est important. C'était une des plus larges, d'une des plus importantes manifestations, justement, pro-palestinienne en Israël. Alors, il faut quand même le mentionner, là. Donc, allez voir ça. Très, très, très important. Ensuite, ben écoutez, vous allez trouver, bon, aussi des nouvelles qui parlent, justement, du public américain qui supporte la création de l'État palestinien. Alors, ça, évidemment, que les décisions du gouvernement américain-israélien ne reflètent pas la position de leur propre population. Alors, il faut aussi être bien conscient de ça. Donc là, ben écoutez, une autre nouvelle ici qui est publiée par le Haaretz, alors où on parle justement de milliers de personnes qui ont marché à Tel Aviv pour supporter la création de cet État palestinien. Alors, allez voir ça. Comme je disais, la Chine qui a annoncé qu'il supportait cet État palestinien, alors la France, vous avez plusieurs États de l'Union européenne, dont l'Espagne, vous avez la Ligue arabe aussi, l'Inde, vous avez l'Espagne ici, l'Islande, la Syrie, la Palestine en fait, qui est reconnue par 127 nations comme étant un État indépendant. Alors pourquoi c'est si difficile d'avoir cette reconnaissance des Nations Unies, hein? Je veux dire, il faut quand même reconnaître cette situation absolument loufoque, cette duplicité qui existe. D'ailleurs, Obama a déclaré l'année dernière, en 2010, aux Nations Unies, que l'année prochaine, on était pour être très loin d'un État palestinien indépendant. C'est pas absolument incroyable. Après ça, en février, vous avez Obama qui a demandé à Susan Rice, la déléguée aux Nations Unies puis au Conseil de sécurité, d'apposer son droit de veto pour une résolution, en fait, contre une résolution qui demandait la fin de la colonisation israélienne. Et puis, vous avez cette année Obama maintenant qui a promis de mettre son droit de veto contre justement la création de l'État palestinien. Alors, vous voyez aussi cette fameuse hypocrisie d'Obama, c'est absolument incroyable. Vous avez une vaste majorité d'Israéliens, comme je vous disais, qui accepteraient la reconnaissance de la Palestine. C'est presque 70% des Israéliens. Ça sort d'un sondage. Alors, vous voyez, on sait pas, c'est vraiment loin d'être tous les Israéliens qui sont fous, là. Je veux dire, en réalité, là, une bonne partie de la population israélienne, là, sont conscientes que, ben oui, c'est normal, les Palestiniens ont le droit d'avoir leur État aussi. Alors, comme je vous disais, ça vaut absolument la peine de mentionner ça. Bon, d'autres nouvelles ici qui parlent du gouvernement canadien qui est sous le contrôle israélien. Alors, vous avez le ministre John Baird ici qui a critiqué justement cette demande de reconnaissance de l'État palestinien. Alors, bon, c'est incroyable. Le Canada, Harper qui a réitéré sa position, qui disait que le Canada voit ses actions comme étant très regrettables et puis qu'on devrait s'opposer à cela. Alors, monsieur Harper, allez vous faire voir. Ensuite, ben écoutez, il y a d'autres parallèles aussi qui sont à faire. Vous savez, les États-Unis qui ont accepté, de reconnaître le Kosovo comme étant une nation indépendante, mais pour la Palestine, c'est pas correct. Alors, vous voyez, c'est ça, tu sais, qui est agaçant dans toutes ces affaires-là. Et puis, ben, vous avez, les Nations Unies qui pourraient, mettre un certain délai au débat pour, justement, l'application, là, de ce nouveau statut palestinien. Donc, on essaie de faire tout en sorte là, de retarder ce processus-là. Vous avez des milliers de personnes qui sont réunies en Ramallah pour soutenir cette demande palestine aussi. Donc, allez voir ça. Réellement, là, j'en passe là et j'en passe, mais écoutez, il y en a beaucoup des nouvelles. Ça vaut la peine d'aller les voir. Président Obama qui dit que justement, la Palestine a besoin d'avoir la permission d'Israël pour être reconnue comme étant une nation. Alors, c'est complètement absurde. Est-ce que les États-Unis ont demandé la permission de la Grande-Bretagne pour devenir une nation? Tu sais, c'est complètement débile. Est-ce que Israël a même demandé à la Palestine la permission de construire une nation sur son propre territoire? Je veux dire, mais là, on demande à la Palestine de demander la permission à Israël d'exister. Je veux dire, c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Voilà. Donc, Abbas, lui, ben, c'est ça, qui a présenté cette demande, son document à la fameuse Assemblée des Nations Unies, a reçu une ovation debout, général, des gens qui étaient présents. Vous allez voir différentes vidéos de ça aussi, très, très important. Et puis, ben écoutez, on va terminer l'émission. On arrive à la fin. Alors, écoutez, des dernières petites nouvelles là, qui vaudraient la peine de passer avant de partir. Les États-Unis ont décidé de vendre des bunker busters, alors des bombes qui sont avec des têtes d'uranium appauvri. Une chose que même George Bush avait refusé de faire. Alors, lui, Barack Obama, a autorisé la vente secrète de 55 de ces Bunker Busters à Israël. C'était reporté par le Newsweek Magazine. Alors, voyez, on continue d'armer ces gens-là. Ensuite, vous avez les nations musulmanes qui ont demandé à Israël de rendre public son programme nucléaire et puis de faire en sorte que l'Agence de l'énergie atomique internationale puisse entrer et puis amener ses inspecteurs et faire la lumière sur ce fameux programme nucléaire militaire israélien qu'on sait exister et puis qui serait, hein, on parle de l'arsenal nucléaire israélien qui serait probablement le cinquième ou le sixième en importance dans le monde. Alors, voilà, donc allez voir ça. Voilà, c'est pas mal tout pour nous cette semaine. Vous allez retrouver les nouvelles par rapport à tout ce qu'on a discuté, là, comme je disais, sur les nouvelles internationales. Ne manquez pas ça. Ensuite, ben écoutez, on va se laisser là-dessus en vous disant que la semaine prochaine, on va traiter du cas de la Libye-Syrie. On va toucher un peu à ces deux cas-là. qui sont quand même assez nébuleux dans les médias parce que c'est un montage d'une pièce de théâtre totale de désinformation et de propagande. C'est absolument incroyable. Donc, il va falloir faire un retour assez important sur ces deux cas-là, Libye et Syrie. Et puis, on va aussi parler d'économie. Il faut absolument parler de l'économie. C'est ce qui va brasser le plus là, ces prochaines semaines et probablement d'ici là, à fin novembre. Alors, on va parler évidemment beaucoup d'économie ensemble. Donc, ne manquez pas ça. Donc, voilà, c'est fait. On est revenu en Londres et puis on devrait être là, comme je vous disais, jusqu'à Noël. Alors, bon retour à vous tous et puis merci d'être là à l'écoute. N'oubliez pas de partager l'émission, d'en faire des copies, télécharger, recharger-la. Si, comme on a fait à nos alliés là, à The Plot 9-11, à mon ami Peter, on a suspendu sa chaîne pendant 2 semaines, là, ben écoutez, prenez les grands moyens, téléchargez toutes les vidéos que vous voyez, que vous aimez, peu importe les chaînes, que ce soit de l'autre monde, du Plot 9-11, de n'importe qui d'autre. Téléchargez-les, repostez-les. Si vous voyez que des gens sont censurés comme lui, ben là, tout simplement inonder l'Internet de ces vidéos-là, ouvrez des comptes, multipliez-les par 10. Je veux dire, il faut résister à ces imbécilleries-là. Et puis, ben écoutez, c'est ça, il faut continuer la résistance, il ne faut pas se laisser abattre. Donc, merci d'être à l'écoute. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine. C'était François Marginan pour L'Autre Monde qui est de retour en ondes. Yes! Ciao les auditeurs, bye! Yeah.